À un moment donné, là, on se rend pas compte, mais on est vraiment en train de se faire avoir. Mais je parle, ça fait longtemps, là. Mais là, il accélère. Ça s'accélère. Les gens qui nous, ces gens-là, c'est des traîtres de façon totale et absolue, tant qu'à moi, parce que quelque part, ils sont complices puis acceptent ça. Le monde, en ce moment, les lanceurs d'alerte qui vous disent, faudrait être un 51e État des États-Unis, là. Alexis Cossette-Trudel, il sautait sur sa chaise, puis il traitait Yves-François Blanchet de traître à la nation. Puis il a tout le temps tenu un discours que on dirait que c'était un agent des États-Unis, ce gars-là. Puis là, il nous fait, faudrait être le 51e État des États-Unis. Un instant, là. Ben lui, c'est un Un instant. pro-Trump déclaré, avoué depuis longtemps. Ben, Chris, c'est qui le traître à la nation quelque part? Penses-tu que les intérêts des États-Unis, c'est les mêmes que les nôtres? Dans le fond, au niveau culturel, les gens qui sont partis du Québec dans les années, début des années 30, ben, ils sont allés travailler aux États-Unis. Aujourd'hui, que leurs descendants, ils parlent pas un mot de français, ils savent même pas d'où ils viennent. C'est ça, là, dans le fond, voler à un moment donné, on est en train de se faire avoir, pas à peu près, de se faire voler tout ce qu'on a, puis ça fait longtemps que ça dure. Ça a tout le temps été le même. Les Britanniques, ils attendaient que on ait défriché des champs, qu'on ait construit des bâtiments, qu'on ait introduit des animaux, puis tout, puis là, les soldats arrivaient, puis ils s'emparaient des terres. On se fait tout le temps voler ce qu'on a de mieux. On est tout le temps le dindon de la farce. Ben, à un moment donné, c'est parce que comme peuple, on n'a plus conscience de rien. C'est plus l'affaire, là, d'évolution de conscience. C'est tout, c'est une crosse. C'est toutes des crosses. Même les affaires d'histoire de, là, le supramental, puis là, le Québec, il y a un destin particulier, puis ça va être le refus. À un moment donné, ça va faire. On se compte des histoires quelque part, là, parce que c'est pas ça qui se passe.